gorge déployée. Thank you. avec ce salaud. Je vais partir te confesser près du curé. Il t'a pris sous son aile. Les cloches du curé.